Don Papa Style avec le Baldas et MMF du Dread Squad en direct de Varsovie pour le son Unity. Original Don Papa Style et le Baldas avec MMF du Dread Squad prennent la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Starche dans les dents, on est déjà efficaces. Original Don Papa Style et le Baldas avec MMF du Dread Squad prennent la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Starche dans les dents, on est déjà efficaces. Avec vigueur, c'est la salle que j'enflamme. Ne connais pas ce pas passe à l'ébouille, s'arrête au cul, c'est âme. C'est difficile de me pousser, la scène de le pousser, une montagne. La vérité, la monnaie, l'unité, voilà ce que je proclame. J'ai plus le temps de se délater, pourtant je consomme le flif qui m'évade, qui me laisse passer. Mais jamais je ne sais passer. Par ce système, je m'anime, arbitré, je suis corrosé. Et c'est que les gens positifs, c'est pour moi impératif. Original dans le papa, scan et le badass. Avec les mêmes et budget, je crois que la place. Ensemble, on fait face à toutes sortes de rapaces. Sache dans les danses, on est déjà efficace. Je ne viens pas blaguer quand je te parle d'unité. L'union fait la force de s'aimer pour mieux briller. Chacun veut se diviser. Attiser la haine entre nous n'a qu'une conséquence, c'est de nous faire reculer. Ça, c'est le mania du passé. Original dans papa, scalé le badass. Avec MMF du Dread Squad prenne la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Sache que dans les danses on est déjà efficace. Original dans papa, scalé le badass. Avec MMF du Dread Squad prenne la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Sache que dans les danses on est déjà efficace. Même si tu me calas ses pieds sous terre, que tu m'envoies pour toujours là-bas en enfer. J'suis capable de faire son affaire à cette entité ridicule que l'on appelle Lucifer. Il goûtera à la défaite à son goût amer. Il apprendra que toute forme de problème à jamais l'on ne tolère. Face à lui, on s'en bat des bonheurs. Dans la haine, la perfidie, la combattée nous exaspère. Original dans le papa style et le baldas. Avec MMF du Dread Squad prenne la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Sache que dans les danses on est déjà efficace. Original dans le papa style et le baldas. Avec MMF du Dread Squad prenne la place. Ensemble on fait face à toutes sortes de rapaces. Sache que dans les danses on est déjà efficace. On se croit en démocratie, mais le peuple c'est souvent encore l'oubli. Des bénéfices, des fines régies, et l'air nous en payons toujours le prix. La liberté, chacun l'apprécie, dommage qu'on apparaisse qu'en parcimonie. Chaque fois que l'on cause, c'est la haine qui détruit. Toute la journée, on se plaint à s'épuiser. L'entretien pour améliorer le destin, qu'en comprendrons-nous en